Je roule à 70 km/h. Je peux laisser un intervalle minimum de sécurité de 40 mètres, oui. Réponse A. Non. Réponse B. De 70 mètres, oui. Réponse C. Non. Réponse D.